weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous. Et nous sommes en direct, il est midi tout pile aujourd'hui, bienvenue dans la bulle de l'IA aujourd'hui. Eh bien pour voyager avec nous, je suis ravie d'accueillir une nouvelle fois Camille. Camille, bonjour. Bonjour. Alors on commence à te connaître un petit peu Camille, hein. Tu es venue une première fois avec ton ami Flo pour nous parler des Monts de l'Utopie. C'est ça. Une association que vous avez créée tous les deux. Tu présentes maintenant une émission avec lui également, Les Oreilles du Monde sur nos ondes. Ça se passe bien ? Bah plutôt bien, oui. Là, c'était hier, c'était la deuxième session du coup de cette émission-là. Oui. Et donc, on est plutôt contents parce qu'on commence un petit peu à prendre un petit peu plus d'assurance oui. à du la coup, radio. Du coup, tout va bien. Tu n'es pas stressée. Non, ça pour va. Cette émission, ça va. Alors aujourd'hui, eh bien, on parle d'autre chose. On parle de toi. On parle de tes créations. Une auto-entreprise que tu viens de créer, se nommant Les Yeux Grands Ouverts. Est-ce que tu viens de la créer ou est-ce que ça fait déjà un moment que tu l'as mise en place? Non, ça fait maintenant 5 ans que j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Ah d'accord, ça fait 5 ans, moi je crois que c'était tout neuf. Non, bon, non. Alors pas d'exclusivité aujourd'hui. Alors comment tu es arrivé à créer cette auto-entreprise ? Eh bien, à la base, en fait, parce que moi j'ai pas du tout de formation dans le cuir, tout ça, j'ai appris toute seule. En fait, à la base, j'avais trouvé du Sky, qui d'ailleurs n'est pas du cuir, c'est juste du plastique. D'accord. Et donc, je m'étais fait, parce qu'à l'époque, je fumais, je m'étais fait une blague à tabac. D'accord. Et donc, il y a un ami qui m'a dit, ah bah moi aussi j'en veux une autre amie, ah bah moi aussi, moi aussi. Et au début, je donnais tout, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon bah je vais quand même peut-être commencer à en vendre. Oui. Et au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai acheté des chutes de cuir, après j'ai acheté des plus grosses chutes de cuir, et puis maintenant, j'en suis là à un moment donné. Bon, je me suis dit, faut peut-être que je prenne un statut pour que je puisse faire les marchés tranquillement, sans avoir de soucis. Et donc voilà, donc ça fait 5 ans que j'ai ce statut-là d'auto-entreprise. Eh bien bravo. Alors tu fais donc de la création en cuir, pierre, plume, bois, oui. Tout de manière artisanale, c'est toi qui fais ça de tes petites mains. Oui c'est ça, et j'utilise pas de machine à coudre. Ah donc, oui ouais. D'accord. Je me complique un peu le boulot, mais j'aime bien les grosses coutures. Alors. D'accord. Du coup, voilà. Donc oui, je fais des sacs, je fais des portefeuilles, des bananes, des carnets de voyage... Après, voilà, si des gens ont des commandes particulières, je fais sur commande aussi. Donc, c'est bien aussi parce que ça me permet de faire des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Eh oui, c'est sûr. Au départ. Et après, pour ce qui est création, plumes, bois, tout ça, c'est plus pour ce qui est bijoux. D'accord. Donc, je ramène des plumes, des graines, des pierres de voyage ou que je trouve comme ça par-ci, par-là. Et donc après, je monte des colliers principalement et des boucles d'oreilles. Ah bah c'est sympa ça. Comment un jour tu t'es dit que tu allais créer des choses ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours aimé faire depuis petite, créer des... Bah, plein de choses différentes. Ouais, si, j'ai toujours été manuelle quand j'étais petite. Ouais. Je sais qu'à un moment donné, je m'étais intéressée à la vannerie, tout ça. Et puis finalement, voilà, j'avais pris une filière assez éloignée. Oui, assez banale, quoi, ouais. Disons. Et du coup, c'est revenu un petit peu naturellement. Puis au fur et à mesure des années, j'apprends des techniques différentes aussi à travers les voyages. Ah oui. Donc voilà. Ça, c'est petit intéressant. Petit à petit, ça avance et ça bouge un peu. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand je stagne, ça finit un peu par m'ennuyer. Donc, d'accord. Du coup, je trouve des nouveaux trucs. T'aimes pas faire tout le temps la même chose. Il faut innover. Bah, de toute façon, toutes mes créas sont uniques, quoi. Ah, ça, c'est chouette. J'essaye de même pour, par exemple, des portefeuilles ou le format elle-même, le patron elle-même. J'essaye de choisir des couleurs différentes, faire des dessins différents dessus aussi, puisque d'accord. Je dessine à l'encre de Chine. Ah oui. Du coup, voilà, ça me permet d'avoir une panel de produits qui sont différents les uns des autres. Ça, c'est important pour toi de créer des choses uniques, parce que quand quelqu'un achète quelque chose, on a envie que ça lui appartienne complètement. Oui, il y a de ça. Et puis aussi que moi, j'ai pas trop envie de m'ennuyer, quoi. Donc, si je fais à chaque fois la même chose, si je fais des séries, des fois, quand je dois faire des marchés, bon, bah voilà, faut que je découpe 10 porte-monnaies. Oui. Déjà, de faire la série, c'est un peu pénible. Alors, bon, voilà, au moins, les dessins, ça permet de changer un petit peu. Bah quoi. Oui, c'est sûr. Alors, tu nous parles un petit peu de tes voyages. Tu as appris au fur et à mesure de tes voyages de nouvelles techniques ? Nouvelles techniques, oui. Enfin, ça dépend. Après, de toute façon, au fur et à mesure des années, j'apprends plein de choses parce que comme au début je faisais avec les 3-4 outils que j'avais, bah, de temps en temps il y a quelqu'un qui me dit « Ah mais pourquoi tu n'utilises pas ça ?»« Ah ouais, c'est vachement pratique en fait !» Du coup de temps en temps il y a des nouveaux outils comme ça qui apparaissent, qui me simplifient un peu la vie. Et après bah, des techniques, bah, par exemple là en Amérique du Sud ils font beaucoup de macramé et beaucoup aussi de sertissage de pierre avec un alliage qu'ils appellent l'alpaca. D'accord. Donc ça, c'est une technique particulière. Je suis un peu au début, donc ce n'est pas forcément toujours très joli, mais, mais j'y travaille. Du coup, voilà, il y a quelques techniques par-ci, par-là. Et puis, c'est vrai aussi en discutant avec des professionnels, parce que mine de rien, bah, des fois, quand je fais le marché de Noël de plombière, il y a pas mal de gens qui font du cuir aussi. Du coup, on discute, et notamment un monsieur, Jean-Noël, qui est de très bon conseil parce qu'il me dit toujours que je me complique un peu la vie parce que je n'utilise pas les outils que je devrais utiliser. Ouais. Bon. C'est-à-dire, c'est quoi les outils que tu devrais utiliser ? Machine à coudre les trucs machine à coudre, oui, pas forcément. Après, c'est sûr qu'avec une machine à coudre, je me simplifie la vie. Mais aussi, rien que pour faire les trous, parce que je fais tous les trous en avance. D'accord. Avant de coudre. Et moi, je fais ça à l'emporte-pièce, alors qu'il existe aussi des emporte-pièces où on tape juste D'accord. sur le marteau, sur une planche de plomb. Et a priori, je me fatiguerai moins. D'accord. Et pourquoi tu ne le fais pas ? Ça va venir, hein, tranquille, hein, parce que ça coûte cher en plus, ouais, les outils comme ça. Donc, à l'emporte-pièce, voilà, faut... Donc, doucement mais sûrement, je vais y arriver. Quels sont les outils que tu utilises ? Du coup, tu es encore resté un petit peu archaïque, entre guillemets. Ouais, on peut dire ça, je pense. Bah, du coup, j'ai ma petite planche pour découper, j'ai mes cutters. J'ai pas d'outils de traçage, donc je trace au stylo. D'accord. Et après, je fais mes trous à l'emporte-pièce, donc. Oui. Et après, à l'aiguille, je couds. D'accord. Donc, j'ai aussi de la colle néoprène, mais j'essaye de l'utiliser le moins souvent possible. Ok. Et sinon, bon, après, j'ai quand même les poses rivets, tout ça. Je commence à être équipée un petit peu quand même. Mais, bah ouais. Oui, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il faut des qualités premières quand on veut faire des créations comme celle-ci ? Il faut avoir un petit peu le compas dans l'œil, comme on dit ? Ouais, je pense aussi beaucoup de patience et puis un petit peu d'imagination, quoi. Ouais. Après, en soi, c'est pas trop compliqué. Moi, j'avais fait des ateliers. J'ai fait des ateliers pour des enfants dans le cadre des NAP. D'accord. Et ça peut m'arriver aussi de faire des ateliers sur un festival ou autre. Et finalement, bah voilà, avec pas grand-chose comme outil, on peut facilement se faire une petite babiole comme ça soi-même. Tes outils, ils sont peut-être un peu archaïques, mais ils sont faciles à transporter. Voilà, ils sont faciles. Ça, c'est sûr. Ils sont faciles à transporter et ils sont faciles à manipuler. Donc, bon, voilà. D'accord. Tout le monde peut le faire, du coup. C'est ça. Et si t'aimes bien un peu apprendre aux autres, montrer un petit peu que eux aussi peuvent faire des choses par eux-mêmes, des créations. Oui, c'est intéressant. Après, je pense pas avoir non plus super grande vocation pédagogique, mais. Mais oui, c'est intéressant parce que ça me fait voir autre chose et puis les gens posent des questions. Enfin, c'est toujours intéressant aussi de partager du savoir. C'est sympa. Du coup, alors on parlait un petit peu de pourquoi tu as commencé à faire ces créations. On l'a un petit peu compris. Ton parcours professionnel, etc., est-ce qu'il te menait vers là ou pas du tout ? Mon parcours professionnel, je pense pas qu'on puisse dire ça. D'accord. Non, j'ai fait pas mal les saisons agricoles en fait avant. D'accord. Je vivais en camion, donc je me baladais pour bosser là où il y avait besoin de bosser, quoi. Ouais. Du coup, non. Après, il y a peut-être aussi le côté un peu débrouille, ouais, qui fait que bah voilà, je récupérais à droite à gauche 2-3 outils, je récupérais des morceaux de cuir de Sky et puis je bidouillais chez moi, quoi, ouais, dans mon camion. Donc après, non, mon parcours. Enfin, si j'avais quand même fait un début d'année en art plastique, donc il y a peut-être quand même quelque chose là-dedans. Les bases. Il y avait déjà quand même une idée, mais ouais. Il y avait des bases. Mais du coup, voilà, ce qui en ressort, c'est qu'on peut récupérer des choses pour créer d'autres choses avec, et ça, c'est sympa. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'on peut en récupérer, parce que quand on voit la quantité de choses qui est jetée tous les jours dans tout un tas de magasins, Il y a une période où je faisais beaucoup de récupération et c'est juste ça, hein, c'est les poubelles, c'est triste à dire, mais bon voilà, après on trouve des trésors et au moins voilà, c'est pas, ça ne retourne pas dans les déchetteries, ben, ça ne retourne ça. Pas à être brûlé ou quoi que ce soit, au moins c'est une deuxième vie. Ben, c'est ça, puis c'est écologique, bravo. En plus. Tu continues un petit peu à récupérer à droite à gauche ou maintenant est-ce que tu investis un peu plus pour tes matières premières? Alors en tout cas pour les pots. Maintenant, en fait, j'achète, bon, c'est pas loin, hein, c'est au Tillot, il y a une tannerie. D'accord. Donc, j'achète chez eux le cuir. Enfin, j'en avais ramené du Maroc aussi, mais voilà. Et j'achète chez eux parce que, du coup, eux, ils ont des grosses peaux, donc ça me permet de faire des grosses pièces et tout ça, parce que les petites chutes, bon, on est vite limité quand on veut faire un sac. Et puis aussi, parce que là-bas, ils sont plutôt sympathiques, ils sont assez arrangeants, tout ça, donc je vais souvent chez eux. Après, oui, il y a quand même pas mal de choses que je récupère. Des fois, entre ma mère, ma sœur, toutes les femmes que je connais qui ont des sacs à main, qui les jettent, moi, je récupère la bouclerie dessus. Oui. Parce que ça vaut cher et puis que sinon, c'est jeté. Oui. Donc, il y a quand même pas mal de choses que je récupère. Après, voilà, les graines, les pierres. Les pierres, souvent, je les achète, mais les graines, je les trouve. Les plumes, je les trouve souvent. Donc oui, je continue quand même à récupérer. Je préfère récupérer qu'acheter, forcément. Mais bon, il y a des fois, il n'y a pas trop le choix. Il y a des choses qu'on ne peut pas trouver comme ça. Bah oui. Du coup, si on a des sacs à main dont on ne veut plus, on peut peut-être te les donner? Éventuellement, oui. Ah bah voilà, alors à bon entendeur, hein, si vous avez des sacs à main, des objets dont vous ne voulez plus, mais en bon état quand même, bah pensez à Camille, les yeux grands ouverts. Une auto-entreprise qui se trouve du coup à Rochesson, tu fais ça chez toi? Oui. Hein, c'est ça. T'as un petit atelier, comment ça se passe? L'atelier, il est dans ma chambre. Hein. Bon, on a une grande maison, mais c'est vrai que oui, l'atelier, ça prend vite beaucoup de place, et de plus en plus d'ailleurs. Mais oui, ça va. J'ai quand même la place pour mon lit, j'ai la place de faire tout le tour, ça va. C'est un monde totalement rien qu'à lui, cette maison, hein, parce qu'on fait plein de choses là-bas chez toi. C'est vrai que du coup, il y a le siège de l'asso, il y a le siège de mon entreprise, et puis c'est vrai que... qu'on est en plein cœur du village et qu'il y a souvent du monde de passage. C'est centralisé au moins, c'est pratique. C'est ça. Voilà. C'est... Alors, si tu veux bien, eh ben, on se lance dans notre première bulle de son avec une playlist que tu nous as concoctée. Hein. En même temps, l'émission que tu fais sur Radio Guémozo, elle est musicale. Hein. C'est autour de la musique du monde. Tu nous as fait voyager où cette fois-ci, là, on va écouter donc Graines Sémées. Alors, Graines Sémées, c'est un groupe de La Réunion. Oui. Donc, qui commence à tourner pas mal d'ailleurs en France, alors ailleurs je sais pas, mais en tout cas c'est un groupe que je crois que j'avais découvert là-bas ou en rentrant, je ne sais plus, que j'aime beaucoup. Tu les as déjà rencontrés, sont déjà venus pas non. Encore. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Qu'on les fera venir un jour. Oui, ça serait chouette. Alors on écoute leur titre Zordi et on se retrouve juste après. Merci. Il repense leur rencontre. Elle était belle dans sa robe rouge. Il aurait aimé tout dire, mais il est pudique pour ces choses-là. Ça fait quelque temps que ça n'allait plus très bien. Des repas sans sourire, des repas sans envie. Il aurait aimé lui demander, mais il y a des choses qu'on n'ose pas. Dans ses mains qui demandent, défilent les cyprès. Et cette glissière n'est qu'une pauvre guirlande. Zordi sontimer. Il se met à penser à ce qu'elle aime, la tarte au chocolat, faire le jardin, pense au rosier planté dans l'allée, pense au petit chat qui semble son gamin. C'est vrai que ces derniers temps, elle aurait aimé parler d'enfant depuis le temps qu'elle voulait être maman, mais il y a des conversations qui manquent de réception. Dans ses mains qui demandent, défilent les cyprès, et cette glissière n'est qu'une pauvre guirlande. Zordi sontimer. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na se souvient de ces moments où elle disait qu'il ne l'écoutait pas. Mais c'est que depuis sa prime et son ascension, son esprit faisait Java. Il se rongeait les ongles devant la télévision. Elle, elle fait de la peinture, quelques tableaux sans signature. Elle dit qu'elle peint pour elle, pour se donner des ailes, pour s'évader un peu. S'évader, elle adore. Il pense au pays qu'elle voulait visiter, le Maroc ou le Mali, il ne sait plus très bien. Il se dit que c'est décidé. Ils iront dès que possible. Dans ses mains qui tremblent sur la route de l'hôpital, les souvenirs se rassemblent et s'effeuillent par pétales. La nuque sur la civière, elle voit défiler les lumières de cet endroit qui semble un vertical cimetière. Vous êtes toujours sur Radio Guémozo au sein de la bulle. Aujourd'hui, on voyage et c'est pas rien de le dire parce que Camille, tu nous fais vraiment voyager. Hein, à chaque fois que tu viens au studio, c'est un voyage. On parle des yeux, les yeux grands ouverts, ton auto-entreprise où tu proposes des créations artisanales, comme on l'a dit tout à l'heure, cuir, pierre, plume, bois, etc. etc. Peut-être d'autres choses un jour, non ? Enfin, c'est déjà pas mal, tu me diras. Hein? Oui, bah, sûrement. Hein. Perles, on ne sait pas. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Après, en tout cas, je n'utilise pas de plastique, ça c'est sûr. D'accord. C'est une matière que je n'ai pas envie du tout de travailler. Mais du coup, il reste quand même beaucoup de choses à faire. Donc, Toi, tu aimes vraiment les matières premières qui viennent un petit peu de la terre, comme on pourrait dire. C'est important pour toi. Pourquoi ? Une question écologique. Et puis en plus de ça, je trouve ça tellement plus beau... une pierre, une graine, un morceau de bois qu'un vulgaire bout de plastique. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Mère Nature nous fournit tout ce dont on a besoin, pas besoin trop de chercher ailleurs. On sent en toi des vraies valeurs humaines et puis aussi pour notre chère Gaïa. Ça devient d'où tout ça ? Est-ce que tu as baigné un petit peu dans un milieu familial où on était proche de la nature ? Proche de la nature, mes parents m'ont enseigné le respect, de la nature et des êtres humains. Après, ils sont pas non plus forcément dans l'écologie dure, hein, mais du moins, ils m'ont appris au moins les bases, quoi. D'accord, c'est important. Mais c'est pas tous les enfants aujourd'hui. Peut-être que à travers tes activités, tes ateliers, peut-être que tu pourras sensibiliser d'autres. Oui, c'est vrai, j'espère. Là, ce qui est dommage, c'est que les nappes disparaissent de plus en plus. Alors d'accord. Après, je comprends bien que les mairies, c'était un coût pour eux de proposer ça pour les enfants. Après, c'est vrai que c'est un petit peu regrettable parce que c'est vrai que passer une heure et demie de temps en temps à faire autre chose qu'être assis derrière bureau, tu m'étonnes. C'était intéressant pour les gamins, quoi. Et puis, apprendre la dextérité, savoir qu'on peut faire quelque chose avec ses mains, c'est important. Ouais. Alors justement, on va parler de tes créations. Tu as commencé par quoi en tout premier ? Je crois que la toute première, là, c'était une blague à tabac. Ok. Ensuite, tu as commencé à te diversifier un petit peu ? Alors qu'est-ce que j'ai dû faire après ? Peut-être des petits porte-monnaies, je pense. Ah oui, j'avais fait des bracelets aussi à un moment. Et puis, d'ailleurs, j'en ai fait plein. Parce qu'il y a des fois, quand je trouve un nouveau truc, j'en fais plein. D'accord. Et puis après, hop, je passe à autre chose. Une petite boulimie. Ouais, on peut peut-être dire ça. Waouh, c'est génial. Alors, du coup, j'en fais plein, des formes, des couleurs différentes. Et puis, C'est chouette. Combien de temps il te faut, par exemple, pour créer un sac ? Est-ce que c'est déjà quantifiable ? Ça dépend des sacs, mais je dirais en moyenne à peu près 5 heures. Ah oui ? Ouais. Entre la découpe. Le poinçonnage. Ouais, le fameux. Qui me prend du temps. Et puis après, voilà, ça peut être 4 heures pour un sac où il n'y a pas trop de détails. Et ça peut aller jusqu'à presque 10 heures pour un sac où il y a des dessins dessus. Il y a des sacs aussi que je faisais en patchwork. D'accord. Du coup, forcément, le patchwork, ça prend énormément de temps. J'ai déjà fait des sacs en 12 heures, 13 heures. Ah oui. En patchwork de cuir ou en oui, tissu oui. Ouais. Cuir, ouais. Exclusivement cuir. Ouais. Ça, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Est-ce que tu te mets dans une ambiance particulière quand tu crées ? Est-ce que tu te mets de la musique d'ailleurs ? Je travaille avec la musique à fond. Est-ce que tu voyages avec la musique pendant que tu crées ? Ça t'aide ? C'est un réflexe. De toute façon, quand je me mets assis à l'atelier, j'allume la musique et c'est un réflexe. Voilà. Par quoi on commence quand on crée quelque chose ? Moi, souvent, en tout cas, par exemple, pour les sacs qui sont vraiment à chaque fois vraiment différents, des formes et tout ça, je fais déjà un petit croquis. D'accord. Enfin, souvent, je fais un croquis. Après, il y a des fois où je prends juste et puis je fais sur le moment. Oui. Mais souvent, je fais mon petit croquis. Bon, alors des fois, je fais un dessin et puis je ne le suis pas du tout. Mais voilà, il y a des fois où voilà, je me fais mon petit dessin et puis... Ça, c'est important. On commence par là. Est-ce que déjà en tête, tu as la création finie quand tu la commences ? Ou est-ce que tu te laisses un petit peu de champ libre pour... Oui, je laisse du champ libre parce que y a des fois où, par exemple, avant les marchés, où je me dis qu'il faut que j'en fasse beaucoup, je prends 2-3 feuilles et puis je dessine plein de modèles différents. C'est pas pour autant que je vais tous les faire ou que je vais voilà, mais j'en dessine plein et puis des fois tiens c'est celui-là que je vais faire là maintenant et voilà selon l'inspiration, selon l'envie du moment. Et oui. Est-ce que c'est pas difficile du coup quand quelqu'un te commande quelque chose que tu dois un petit peu suivre à la lettre, de couper cette créativité que tu as en toi ou est-ce qu'encore une fois les gens te laissent un petit peu carte blanche? Ça dépend. Il y a des gens voilà qui me font confiance, qui me donnent 2-3 directives et d'autres qui veulent vraiment, enfin qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Le plus dur, en fait, c'est pas forcément de pas avoir la création qui vient de soi, c'est plus l'angoisse de est-ce que ça va leur plaire. D'accord. Ça, c'est un petit peu l'auto-exigence, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que, on fait quelque chose, est-ce qu'ils vont être contents de ce que j'ai fait ? C'est plutôt ça qui est un peu stressant, éventuellement. Sont-ils contents du résultat, en général ? En général, oui. À moi qui ne veuille pas me le dire, et c'est dommage, parce que je préférerais qu'ils me disent « Ah bah tiens, ça, par contre, j'aime pas trop pour que je puisse m'améliorer, mais bon. » Ça, c'est après, bien. Ça peut être compréhensible que c'est difficile aussi de dire à quelqu'un « Ah bah non, j'aime pas trop. Ou... » La critique créative, la critique positive, c'est, ça pourra évoluer. Oui, au début, c'est un peu difficile à prendre. Et puis finalement, après, on se dit « Vaut mieux quand même que les gens soient honnêtes et dire « Bon, là, par contre, faudra améliorer ça. » Et puis au moins, les fois d'après, on fait mieux, quoi. Ils viennent d'où un petit peu ces gens qui t'achètent certaines de tes créations ? Est-ce que c'est des gens qui habitent dans le coin ou est-ce que des fois ça peut aller un peu plus loin ? Au début, c'était pas mal quand même des gens de l'entourage, hein, puisque au tout début, comme moi j'étais plus nomade, on va dire, c'était des gens au fil des rencontres. Et là, du coup, que je suis installée, au début, c'était quand même pas mal bouche à oreille, la famille, les amis, tout ça. Et maintenant que j'ai un Facebook, de temps en temps aussi, il y a des gens qui voient mes créas sur Facebook et qui me contactent. Donc ça commence un petit peu à s'expatrier. Durant tes voyages, est-ce qu'il t'est arrivé de créer des choses que tu as laissées sur place ? De savoir que tu as laissé un petit bout de toi quelque part, En général, quand je pars en voyage, avant, quand j'étais en camion, je pouvais éventuellement laisser ou offrir. Oui. Je me souviens... Enfin, si, sûrement que j'ai dû offrir quelques trucs, mais là, comme ça, je me souviens pas trop. Et après, les autres voyages, c'est en sac à dos, donc je pars limité, quoi. Oui. Donc c'est plus je récupère des trucs plutôt que j'offre ce que j'ai fait, quoi. C'est sûr. Mmh. Est-ce que ça te manque pas un petit peu, justement, cet aspect nomade de ta vie ? Non, pas tellement, parce que finalement, à peu près tous les 2 ans, je pars en voyage. Donc, d'accord. C'est bien aussi le sac à dos, ça permet d'aller plus loin et puis prendre le temps aussi de vivre, parce que quand... quand on a sa petite maison sur place, c'est facile, hein, on a la maison. Après, au sac à dos, c'est bien, ça permet de visiter de l'autre lieu, de rencontrer plus les gens aussi, puisque on se fait inviter plus facilement. C'est vrai. Donc, Tu pars toute seule quand tu pars en voyage ? Non, pas toujours. Je suis partie toute seule en Amérique du Sud, mais c'était un choix. Et mais sinon, en général, oui, avec des copains ou... Créatrice nomade. Alors là, franchement, t'es bien tombée. Ouais. Non, mais c'est on sympa. Peut dire ça comme c'est ça. Pas tout. C'est pas tout le monde quand même qui ose, voilà, partir avec son sac, faire d'autres choses, rencontrer, voilà, d'autres cultures. Et ça, c'est sympa. Est-ce qu'au fur et à mesure de tes voyages, il y a de nouvelles idées qui sont venues se greffer? Il y a sûrement. Ouais. Bah, surtout des inspirations par rapport au dessin. Là, Amérique du Sud, bah, les dessins, tout ça, les graphismes qu'ils ont là-bas, j'ai pris plein de notes parce que je fais toujours des carnets de voyage. Ça, c'est chouette. Et du coup, je prends des notes, je fais des petits dessins et oui, effectivement, ça m'inspire, ouais. Ils ont des techniques différentes, des matières différentes là-bas pour créer des choses ou finalement, c'est pas si différent? Oui, non. Bah, après, pour cuire... Enfin, disons que c'est pas spécialement une spécialité là où je suis allée, Équateur, Pérou, Bolivie. Enfin, ou alors je suis pas tombée dans les villes où c'est spécialisé. Mais après, oui, là-bas, c'est beaucoup le travail des pierres, macramé. D'accord. Alpaca. Il y a plein de gens dans la rue qui vendent leurs petits bijoux comme ça, un peu à la sauvette. Ouais. Ils vivent de ça, ouais. Ouais. Quand tu dis que tu fais des créations avec des pierres, ça se passe comment? Tu les inclus au sein, bah, par exemple, d'un sac ou alors Non, je ne mets pas les pierres sur les sacs parce que j'aime bien le fait qu'on puisse les porter. Bon, là, je n'ai pas la d'accord. mienne. Tu la cherches, mais elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Je l'ai oubliée. Mais maintenant, les pierres, ouais, je les utilise surtout pour des colliers. Ouais. Et du coup, ben, soit si c'est des pierres qui sont percées, bon, j'en fais des colliers assez simples. D'accord. Ou alors si c'est des pierres qui ne sont pas percées, je les sertis en macramé. D'accord. Ou alors en alpaca, donc le fil, c'est un alliage de métal. D'accord. Et après, voilà, j'en fais un collier, quoi. C'est des pierres spécifiques que tu utilises ou... C'est toutes des pierres semi-précieuses. D'accord. Ouais. Donc par exemple, ça peut être quoi? Quartz. Du quartz, j'en ai pas trop, mais j'ai des labradorites, j'ai des chrysocolles, j'ai des obsidiennes, enfin j'en d'accord. ai tout un tas différentes. En Amérique du Sud, j'en ai acheté pas mal. Je m'étais dit, bon, je vais essayer quand même d'en acheter à un petit monsieur ou une petite dame, que je sais d'où ça vient, tout ça, mais c'est un petit peu compliqué. Oui. Et du coup, j'ai un peu craqué. D'accord. J'en ai acheté dans une petite boutique, quoi. D'accord. Parce que ouais, je voulais quand même avoir une certaine traçabilité, mais c'est vrai que c'est pas évident, donc. Et oui. Enfin bon, j'ai pas suffisamment cherché probablement, mais du coup là j'en ai acheté là-bas et ils font beaucoup de chrysocolles. C'est une pierre que j'aime beaucoup. D'accord. Donc voilà. Je est-ce me que suis tu fais plaisir? Bah oui, il y a plein de un petit peu de mines, etc. Ici en France où on peut trouver de belles pierres. Après, ça reste pas toujours légal d'aller les chercher aux endroits où elles se trouvent. Est-ce que tu t'y connais un petit peu en lithothérapie? Est-ce que voilà la pierre que tu vas utiliser pour une certaine personne, elle aura vraiment une incidence ou elle est pas c'est pas au hasard? Bah je m'y connais. Bah en lithothérapie, je peux pas vraiment dire que je m'y connaisse beaucoup. Je connais le nom des pierres. Il y a certaines pierres, je connais les vertus. Bon, après voilà. C'est une science qui est un petit peu jeune, donc oui. Il y aura forcément des améliorations plus tard. Après, en tout cas, je sais que moi, il y a des pierres qui me suivent. Enfin, c'est souvent l'obsidienne, la chrysocolle, c'est toujours les deux là. D'accord. Et donc, effectivement, quand je regarde les bouquins avec les vertus, bah, ça correspond. Et quand moi, je vends sur les marchés, ça m'est arrivé, je crois, une seule fois, sur toutes les pierres que j'ai vendues, parce qu'en fait, celle que j'avais, je m'étais fait des petites notes, bien que je n'ai pas vraiment le droit, avec les vertus. Oh, d'accord. Là, c'était à titre informatif, ouais. quoi. Et ça m'est arrivé seulement une seule fois sur toutes celles que j'ai vendues qu'une femme me dise « Ah non, ça ne me correspond pas ». D'accord. Alors que voilà, la règle générale, c'est on choisit une pierre, c'est elle qui nous attire, choisis, c'est ouais. qu'on en a un peu besoin. C'est vrai. Voilà. Du coup, tu fais un petit peu attention ou alors voilà, tu laisses vraiment libre choix à ceux qui vont... Ah, moi, je laisse libre choix, oui. En même temps, comme je ne connais pas trop les gens et que je ne connais pas par cœur toutes les pierres non plus, je ne vais pas me permettre de dire « Ah, celle-là, c'est pour vous !» Donc, non, je laisse choisir les gens. En général, voilà, ils vont là où... Où ils doivent aller. Voilà. Voilà. Alors, on va se lancer dans notre deuxième bulle de son, si tu veux bien. Alors, avec un groupe se nommant Calle 13, c'est ça? Oui, c'est bien. Ah, je vais faire des programmes espagnols, je le sens. Pour leur titre « Cumbia de los aburridos ». C'est pas mal, oui, c'est bien. D'où ça t'est venu, ce titre et ce groupe? C'est un groupe que j'ai entendu en Amérique du Sud, donc c'est un groupe portoricain. D'accord. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Et c'est des textes soit engagés, soit c'est des textes rigolos, quoi. D'accord, bon, là, en l'occurrence, c'est un texte rigolo, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais. D'accord. Bah, écoute, on écoute ça tout de suite avec cette proposition et on se retrouve juste après. Con los pies deprimidos, mira cómo se levantan con la pierna gulemba, mira cómo aprietan la bemba, mira la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría, tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga, coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo, te pongo a vomitar el desayuno, te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos, mira cómo se levantan con las piernas gulemba, mira cómo aprietan la bemba, mira la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. Ay caramba, tú me vas a matar de un ataque de asma, tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú, desnudo, desnudo. Me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más, tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete enanitos. Con ese meneíto a mi huevito le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos, mira cómo se levantan con las piernas gulemba, mira cómo aprietan la bemba, mira la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira, Fernán, sopla esa gaita que hace calor. Mira, dale Colombia, dale Puerto Rico. Mira, mira. On est toujours sur Radio Guémozo avec aujourd'hui Camille qui est venue nous rendre visite, qui va devenir une grande habituée maintenant, que vous aurez l'occasion de retrouver assez souvent sur les ondes. C'est tous les jeudis tes émissions ? Non, on fait une fois par mois. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Et donc c'est le deuxième jeudi du mois. D'accord. Grosso modo. Voilà. C'est ça. Là, ça va être le 9. Ok. Donc vous saurez, cette voix vous sera familière, c'est normal, on est d'humeur créatrice aujourd'hui, on garde les yeux grands ouverts avec cette fameuse auto-entreprise dont tu nous parles aujourd'hui qui valorise tes créations, hein, de très très belles choses que vous pourrez retrouver notamment sur la page Facebook, hein, parce que tu as créé une page Facebook, les yeux grands ouverts, où tu montres un petit peu quelques petites choses que tu fais. C'est ça. J'ai rouvert parce que j'ai plus de Facebook et tout le monde me disait « Oui, bon, quand même, Camille, ça serait bien que tu rouvres une page Facebook pour faire la pub de ton entreprise. Oui. » Du coup, c'est vrai que bon, voilà, hein, c'est de la pub gratuite. Et eh bien oui. Et puis bon, maintenant, avec un petit peu ce monde qui vit à travers les écrans, oui, c'est un petit peu plus pratique. À travers son époque, paraît-il. du coup, oui, voilà, j'ai fait la page. C'est vrai que c'est bien. Voilà, ça fait une vitrine et ça permet aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément dans mon entourage ou de la région, oui. qui ne me voient pas sur les marchés ou quoi que ce soit, qui puissent aussi accéder à ce que je fais. Oui. Donc voilà, j'ai créé cette page-là, je ne sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 ans quand même. D'accord, ok. Plus. Alors, tu nous parles un petit peu des marchés. Est-ce qu'il t'arrive donc d'exposer et où ? Oui, alors avant, j'exposais pas mal sur certains festivals, en fonction d'où j'étais. Et là, maintenant, je fais de temps en temps des petits marchés comme ça, assez ponctuellement. En vrai, je ne cherche pas trop. Ouais. Souvent, y a des gens qui m'appellent pour me dire « Ah, ça te dit pas d'aller faire ça ?» Donc là, je vais faire normalement un marché aux 4 vents. C'est une colonie, non pas une colonie de vacances, un village vacances, pardon. D'accord. Je crois que c'est Ferdru ou Ramonchamp, je ne veux pas dire de bêtises, d'accord. Mais c'est par là-bas. Et donc, fin juillet. D'accord, aux 4 vents. Oui, okay. C'est un petit marché, voilà, c'est ouvert au public, mais c'est principalement aussi pour les résidents du village vacances, okay. Parce que c'est un ami qui s'occupe de ça, qui m'a proposé, et je vais aussi exposer là fin août, oui. Le 25, si je ne me trompe pas, au marché de Tiefos, le petit marché des producteurs. D'accord. Ah. En fait, ils invitent, je crois, tous les mois, oui. Un artisan. Donc voilà, ça m'est arrivé aux oreilles, donc je les ai contactés et puis ils m'ont proposé cette date-là. Ça, c'est sympa. Voilà. Et après, ça faisait plusieurs années que je faisais le marché de Noël de Plombières-les-Bains, qui est un petit marché, Ah oui, c'est quand même marché. Un gros marché. Ah oui, oui. Mais je pense pas que je vais le refaire cette année. Là, je vais faire la saison à la Bresse. D'accord. Donc voilà, je laisse un peu le marché. En plus, ça fait déjà plusieurs années. Donc une fois que les gens ils sont déjà venus ils connaissent. Plusieurs fois, que oui. Mais ils te ramènent des copains après. Ouais, mais bon. Est-ce qu'on pourrait retrouver les dates où on pourra te rencontrer sur cette page Facebook justement? Est-ce que tu indiques un petit peu ? C'est vrai que ça serait une bonne idée. Je suis un peu larguée, moi, avec les trucs-là. Mais oui, il faudrait que je le note. Je vais tâcher d'y penser. Voilà, c'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée. Alors, on a parlé un petit peu du cuir, des pierres. Mais alors, tu ne fais pas que ça. Tu utilises aussi des plumes. Comment ça se passe ? Tu les trouves encore une fois grâce à notre chère mère nature ou alors ça dépend des plumes. Il y en avait que je récupérais à droite à gauche parce que la mère d'un copain, elle a des faisans, elle en tue un. J'en récupère. D'accord. Ça m'arrive aussi. J'ai trouvé aussi un faisan mort au bord de la route. C'est un peu triste, mais bon. Ah, le pauvre. Du coup, j'en récupère à droite à gauche. Après, il y en a aussi que j'avais acheté. Parce que c'est vrai qu'il y a des plumes, par exemple les plumes de jais. Oui. Il y en a beaucoup ici des jais, mais alors pour trouver des plumes, faut s'accrocher, quoi. Hein. D'accord. Je pense qu'il faut passer ses journées en forêt. D'accord. Donc, du coup, j'en avais quand même acheté quelques-unes sur un site où ils disent que l'animal est en bonne santé. Enfin, voilà, il y a quand même une certaine éthique. Oui. Normalement, après, je ne vais pas aller vérifier. C'est sûr. Et après, il y a aussi des plumes. Là, par exemple, en Amérique du Sud, je m'étais dit « Waouh, génial, je vais aller dans la jungle, je vais trouver plein de plumes. » Sauf qu'en fait, c'est pareil, il faudrait y rester des mois et des mois, quoi. D'accord. Du coup, en fait, après, j'ai rencontré un Péruvien qui, lui, allait souvent dans la jungle et il faisait des échanges de plumes contre je ne sais plus quoi. C'est bien. Donc voilà, je lui ai acheté aussi des plumes pour pas grand-chose. Et donc voilà, j'ai des plumes de perroquet ara, de perruche, donc j'ai des plumes de toutes les couleurs. Ah ouais. Mais bon, comme j'en ai pas énormément, maintenant je fais des boucles d'oreilles uniques, puisque je peux pas avoir de paire. Donc voilà, mais maintenant je fais des uniques. Soit dépareillé. Mais c'est vachement beau. Voilà aussi. Bah après, voilà, j'ai d'autres plumes que j'utilise que celle-là. Voilà, je peux avoir des paires qui sont un petit peu plus banales, disons. Mais c'est la mode de la symétrique maintenant. C'est une plume. Bon, bah, génial, je suis à la mode. T'es, t'es pile parfait. Dedans, c'est une grande plume rouge et une petite verte, c'est comme ça. Voilà, très bien. Tu fais attention aux matières que tu utilises. Oui. Par exemple, pour le cuir et pour les plumes, on le voit bien. Ça, c'est quelque chose auquel tu t'intéresses tout de suite avant d'acheter. Il faut que tu saches un petit peu d'où ça vient et comment ça s'est passé avant. C'est mieux. Dans l'idéal, oui, je préfère. Après, il y a certaines choses où je saurais... Enfin, oui, tu pourras pas forcément, pas même par exemple, une plume, si le monsieur, il me dit « Ah bah oui, non, mais vous inquiétez pas, les animaux, ils sont bien traités. » J'ai juste à lui faire confiance parce que finalement, je suis pas allée voir de mes yeux. Donc, voilà. Mais ouais, j'essaye de faire au mieux, disons. Tu vas ramener quoi la prochaine fois de ton voyage ? Là, je repars à La Réunion, donc je pense pas mal de graines. Et je vais voir, j'ai bien retrouvé d'autres choses. Mais qu'est-ce que tu fais avec les graines ? Du coup, tu ornes ? Les graines, c'est surtout pour les boucles d'oreilles. D'accord. Ouais. Des boucles d'oreilles en graines. Ouais. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Très original. Plein de couleurs, plein de textures différentes, plein de formes différentes, donc ouais. Ok, mais il faut faire attention à ces matières, justement, ça se garde d'une certaine façon. Oui, de toute façon, les graines, il ne faut pas qu'elles soient à l'humidité. Moi, j'ai un... Comment ? Normalement, c'est pour ranger les outils. C'est plein de petits tiroirs. Mais tu n'en as pas. Voilà, je range des graines et des babioles là-dedans. Donc, j'ai tout un tas de tiroirs. Et donc, elles sont au sec et puis à température à peu près ambiante, quoi. Et du coup, quand on les met, il n'y a pas de risque que tu sais pas. Alors là, à moins d'aller dans la piscine, prendre la douche avec, là forcément, elles vont pas aimer, mais sinon... Parce que je suppose que tu les traites pas. Non. Voilà. Vous savez que voilà, au moins les produits que fabrique Camille sont dans le plus possible dans le respect de chacun, que ce soit dans l'animal ou dans la personne qui va porter, en tout cas de ce que toi tu peux en savoir au mieux. Concernant tes créations en bois, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fabriques en bois ? Bois, c'est plus pareil, c'est pour les boucles d'oreilles, pour les bijoux, donc c'est plus des petites pièces de bois, hein, donc c'est des petites perles ou c'est... Par exemple, aussi, j'ai du buis. D'accord. Je coupe des petits morceaux pour en faire des fermoirs, pour des calepins, pour des sacs. Ah, c'est chouette. Je récupère des cornes aussi de vaches que je découpe et que je perce pour faire des fermoirs également. Ah bah dis donc. Voilà. Ah oui, il n'y a pas que la plume, le cuir, le bois, la pierre, il y a aussi la corne. Il y a aussi la corne, il y a aussi des os, des fois. Crènes. Quand je trouve des os, ça m'arrive de trouver des os. Bon. Après, c'est une matière que je ne travaille pas beaucoup, beaucoup pour l'instant, donc j'amasse. Oui. Mais, d'accord. Je trouverais bien de quoi faire quelque chose à un moment donné avec. J'imagine ton atelier, ça doit être un truc de folie. On doit en avoir plein les yeux. C'est la caverne d'Ali Baba chez toi ? Un peu, oui. Mais c'est quand même rangé, hein. Ah bah, j'ai pas dit le contraire. Non, parce que même moi, je me dis, oulala, oh, le bazar. Mais en fait, non, ça va, c'est quand même... Ouais, faut être organisé, rangé. Quoi. Ouais. Faut être organisé. Eh bien, écoute, je te propose de se lancer dans une troisième bulle de son avec... alors, que nous as-tu préparé pour ce troisième son ? Iva Bitova. Oui. C'est ça ? Oui, alors Iva Bitova, elle est, je ne veux pas dire de bêtises, c'est un des pays de l'Est, alors je ne sais plus si c'est serbe ou tchèque. Donc, d'accord. Quelque chose comme ça. Ok. Et c'est une artiste très très connue, c'est elle fait du violon et elle chante. D'accord. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, parce que c'est un petit peu, elle est un petit peu fofolle comme ça, et c'est, j'aime beaucoup. D'accord. T'es déjà partie vers là-bas ? Non, pas encore, non. Mais un jour. Un jour ? Oui. T'es une vraie globe-trotteuse, quoi. Tu vas faire tout le monde... J'aimerais bien. Bah oui, bon. J'imagine. Alors, on écoute Stolet d'Iva Bitova et on se retrouve juste après. Když jsem vás, pane, jednou uviděla, Vous êtes en plein voyage avec nous aujourd'hui. On voyage dans la bulle avec Camille pour Les Yeux Grands Ouverts et toutes ses créations. Merci encore beaucoup à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on te retrouve sur Facebook où on peut avoir une petite idée de ce que tu proposes. Alors, on voit toutes sortes de choses, tes sacs à main, tes boucles d'oreilles, etc. Mais on n'oublie pas que voilà, si on a une envie particulière, eh bien, c'est possible de te contacter. Et puis, d'en parler tranquillement ensemble. Oui, c'est ça. C'est, quand les gens voilà, ils ont une commande particulière, il y a plusieurs options. Alors, s'ils ne sont pas proches de Rochesson, on fait ça voilà, en discutant. Ils D'accord. me disent, moi, j'aimerais plutôt, par exemple, si on part sur un sac de telle taille, avec tel rangement, telle couleur. Et puis moi, après, soit je fais un croquis, je leur envoie, soit ils me font confiance et puis on y va. D'accord. Et quand c'est des gens qui éventuellement peuvent se déplacer, je les invite à venir. Oui. Et comme ça, en fait, on fait le croquis ensemble. Ah, c'est chouette. Les gens choisissent les couleurs, les textures, les coutures, enfin tout ça. Et puis au moins, voilà, je sais que... Que ça plaira. Voilà. Bah, c'est chouette. Alors, tu disais que tu avais toutes les couleurs. Comment ça se passe quand on fait de la création en cuir pour avoir toutes les couleurs ? Ce qui se passe, c'est que aux tanneries du Tillot, où ils font donc les couleurs et ils ont toute une palette. En fait, ils font pas du cuir tanné végétal. D'accord. Donc, c'est du tannage au chrome. D'accord. Donc, c'est pas le top ouais. non plus, mais... Mais en tout cas, voilà, ils ont aussi toute une panel de couleurs. Moi, je sais que j'aime les couleurs vives. Et c'est vrai que quand on part sur des peaux tannées végétales ouais. avec des pigments végétales, ouais. ça tient un peu moins bien D'accord. en fait, dans le temps aussi. Et puis, bah, c'est plus dans les tons pastel. Et moi, j'ai un petit peu du mal avec le pastel. Alors, j'essayais à un moment donné de prendre du pastel et faire des trucs, mais je ne prenais pas forcément trop plaisir. Du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je reste sur les couleurs que moi, j'aime. Et donc, eux, ils ont vraiment une belle palette de couleurs. Et donc, là, moi, j'ai à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est des couleurs un peu flash, quoi. D'accord. Ça, c'est sympa. Enfin, c'est des couleurs intenses, disons. D'accord. Voilà. Et du coup, ça fait un moment que tu travailles avec eux. Oui, bah depuis que je suis rentrée dans les Vosges, donc ça fait 4 ans, 5 ans, 4 ans. Ouais. D'accord, et ça se passe toujours bien. Ils savent que tu crées des oui, choses oui, oui. Tu leur montres des fois ce que tu fais avec leurs produits? Non, peut-être pas. Bah après, il y a une des femmes qui travaille là-bas, qui habite dans mon village. D'accord. Donc elle sait ce que je fais, mais après, oui, quand moi j'y vais, enfin, en tout cas, ils me connaissent et ils savent à peu près ce que j'aime bien. Et puis, ils me gardent aussi de côté. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a des fois aussi où moi, j'aime bien les... Pour eux, c'est un peu des cuirs ratés. Mais en fait, ils ont des fois des peaux où il y a des petits défauts, ouais. Où il y a des taches, où il y a des espèces de griffures ouais. Comme ça, ou des cicatrices, où ils font des tests et puis que ça ne leur convient pas. Et en fait, moi, j'aime bien. Bah oui. Il y a des morceaux où voilà, ça fait un peu comme des griffures, ça fait un peu des taches. Mais moi, j'aime bien. Du coup, je leur prends. Et puis donc maintenant, de temps en temps, quand ils en ont des comme ça, ils me les mettent de côté. Ça, c'est chouette. Bah, en plus, ça rendra la pièce forcément unique. Oui. Et ça, c'est cool. Mm-mm. Parce qu'on a bien compris qu'avec toi, eh bien, on pouvait avoir des créations qui seront bah, tout simplement uniques. Parce que, avec les outils que tu as et puis avec ta façon de faire les choses, tu ne fais pas à la chaîne, on a bien compris. C'est ça. Ça, c'est sympa. Alors, donc, les yeux grands ouverts, eh bien, c'est ton auto-entreprise. Alors, on va faire un petit point. Comment ça se passe quand on a une auto-entreprise? Eh bien, ça se passe. Donc, on remplit des petits papiers, n'est-ce pas? Pour, donc, oui, ça, moi, je suis à la chambre de l'artisanat. D'accord. Et donc, quand on est auto-entrepreneur, alors, que je me souvienne bien, les trois premières années, en fait, on paye une taxe ouais. Voilà, sur le montant du chiffre d'affaires. D'accord. Qu'on déclare. Et donc, la première année, il me semble que c'était quelque chose comme 3%. D'accord. Après, 7%. Et au fur et à mesure des années, là, moi, j'en suis à 12-13%. D'accord. À peu près. Et sachant que les trois premières années, on ne paye pas d'impôts sur les sociétés. Enfin, je ne sais plus si ça s'appelle exactement comme ça. Oui. Mais maintenant, voilà, tous les ans, j'ai un petit impôt pour mon auto-entreprise. Et donc, voilà. Et donc, on est affilié au RSI. Donc, maintenant c'est l'URSSAF. Oui, ça a changé, oui. Il faut suivre hein, quand même. Ah, hein. oui, il faut suivre. Déjà que je ne suis pas trop papier, mais alors du coup, là, je suis un peu perdue. D'accord. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à l'URSSAF, du coup, on cotise un peu pour la retraite, ouais. Parce que jusqu'à présent, d'accord. On ne cotisait ni pour la retraite, ni pour le chômage, ni pour la rien santé, du tout. Ouais. Donc, c'est bon. Ok. C'est un statut qui est assez intéressant parce que bah voilà, on ne paye pas beaucoup de taxes et puis bah, on peut faire tous les marchés. Enfin, ça laisse quand même une certaine liberté. Et en même temps, bon, bah voilà, on ne cotise pas trop. Et, donc, il y a les pour et les contre. Ça, voilà. c'est sûr. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir une auto-entreprise? Est-ce que c'est facile d'en vivre? Ça dépend peut-être aussi qui et quoi. Mais, oui, ça dépend. Oui. Après, en étant artisan, bah forcément, il y a les heures qu'on passe, le coût de la matière première. Et puis, en vrai, moi, là, si je décidais d'en vivre, je pense que c'est possible. Mais ça voudrait dire qu'il faille que je reste 10 heures tous les jours dans mon atelier. Et je pense qu'à un moment donné, mon dos, il ne sera plus d'accord. Oui, puis ce n'est pas forcément ce que tu as envie de faire non plus. Non, quoi. Non. Et puis, voilà, j'ai beaucoup de projets à côté, donc bah, il me faut me laisser du temps aussi pour faire ce que t'as j'ai à faire. T'as des projets, oh, ça m'étonne, alors dis donc, incroyable. Voilà. On a plein d'idées, on est plein de ressources, alors du coup, voilà, il faut du temps. Et puis aussi parce que au bout de... Là, quand par exemple, je fais le marché de Noël, pendant 3 mois avant, je suis dans l'atelier. D'accord. Bah, à la fin des 3 mois, déjà, j'ai le corps qui ouais, est en compote, ouais. et puis à la fin, avec... Avec le temps, on n'a plus trop d'inspiration, plus trop l'envie non plus. Donc, c'est bien aussi de prendre un petit peu du temps, respirer, bouger un peu, faire d'autres choses pour reprendre plaisir à être dans oui. l'atelier, quoi. De l'inspiration, de l'innovation, ça devient toujours? T'es jamais à court? Si, je pense qu'il y a des moments où je dois être un petit peu à court, mais en général, j'arrive à... j'arrive à trouver. Ou alors, si ça ne vient pas, bah, je fais une pause, je vais faire autre chose. Et puis, c'est comme ça qu'on devrait tous faire, ça c'est vrai. Ton côté artisan avec cette auto-entreprise, c'était vraiment un choix parce que ça te permet d'avoir une certaine liberté. Oui, ça me permet de pouvoir être un minimum autonome avec ce qui me plaît de faire. Voilà, je fais les horaires comme je veux, je fais les marchés que j'ai envie, je suis les commandes au rythme où j'en ai envie. Après, voilà, en général, quand les gens me font commande, je le fais assez vite. Mais du coup, je suis quand même libre de faire comme je l'entends. Bah, c'est chouette. Les yeux grands ouverts, création by Camille, artisanale en cuir, pierre, plume, bois, os, graines, et tout ça. ça se passe à Rochesson. Alors, on pourra mettre ton mail, par exemple, avec le lien de podcast de cette émission. Oui, bien sûr, oui, pas de souci. Voilà, on mettra un petit peu les informations sur lesquelles vous pourrez retrouver Camille. Et puis, bien sûr, sur cette fameuse page Facebook où vous pourrez retrouver en visuel certaines de ses créations. Fin juillet, tu seras aux 4 vents et fin août au marché de Tiefos. Peut-être que tu publieras ça sur ta page. Je vais tâcher de le faire et il faut aussi que je me fasse un petit panneau pour à Rochesson puisque je n'ai toujours pas fait de petit panneau indiquant que je suis là. Mais je vais le faire, je vais le faire. Ok, c'est super. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé cette émission avec toi. Alors, je fais une petite parenthèse. Ce soir, David Vincent sera au Potter Laca à Saint-Amé de 20h jusqu'à plus soif. Tu étais au courant, tu connais ? Non. Voilà. Oui, je connais, mais je n'étais pas au courant. Ah ben voilà, vous serez au courant, tu seras au courant, tout le monde sera au courant, c'est parfait. Qu'est-ce que t'en dis ? On se lance un dernier son à la place de mon générique parce que t'avais quand même prévu Dendana, c'est ça ? C'est ça. J'avais prévu Jilala, non ? Jilala, c'est ça. Jilala, je sais plus. Alors on va lancer ça à la place de mon générique, comme ça on finit sur une note de voyage pour la fin de cette émission. Cette émission, elle sera rediffusée pour les couches tard à minuit. Elle sera présente sur notre page internet et notre page Facebook. Avec en lien toutes les informations pour te retrouver. Camille, merci beaucoup à toi. Merci à toi d'être venue. C'était avec plaisir. C'était moi, avec grand plaisir. Un très très bon week-end. Et puis pour tous nos auditeurs, c'est comme tous les jours, n'oubliez pas. Bonheur, joie et rire à tous. Thank you. Ushina les bohlam, ushina les bohlam, ushina les bohlam, ushina les bohlam, ushina les bohlam.